Le Sahel, c'est la richesse de l'Afrique. Le Sahel, c'est le cœur de l'Afrique. Donc, j'ai souvent expliqué que si on veut dominer l'Afrique, c'est à partir du Sahel. Il y a deux pays très sensibles. Il y a le Mali d'abord et l'Algérie après. Il y a une puissance qui a dit, attention, nous sommes au Mali. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le Mali est sous notre protection. Ça gêne. Mais pour dire à la Russie, aujourd'hui, tu sors de là, on ne peut pas. Ce sont les peuples qui sont en train de se révolter et qui disent, on ne veut plus des autres forces, on veut la Russie. Donc, il y a des gros risques aujourd'hui en Afrique. Le monde entier se bat pour sortir de la crise Covid et de la crise de l'Ukraine. Il faut sacrifier qui? Comme d'habitude, on va essayer de sacrifier les Africains. Afrique Média, le monde, c'est nous.